éveil et intensité être. Donc ici, intensité de l'être, de la personne en tant que manifestation. Donc, être ici dans le sens d'adjectif par rapport à quelqu'un pour servir à désigner en tant qu'individu qui est pleinement lui-même, c'est-à-dire qui est individualisé. Le terme être, c'est un terme que j'ai entendu dans le cadre de conférences du philosophe jovialiste André Moreau. Vous pouvez retrouver de ses enregistrements vidéo sur YouTube. Vous n'avez qu'à saisir son nom. Sinon, ben, c'est sûr que par rapport au concept d'être, il a écrit plusieurs livres, dont des traités à ce sujet. Et comme je trouve intéressant cette notion, j'ai décidé de l'intégrer dans mon vocabulaire. Donc, pour parvenir à l'éveil, ça prend une intensité être, c'est-à-dire capable de générer une énergie qui permet à l'individu de ne pas être atteignable par les conditionnements du collectif. Autrement dit, d'être capable de rester souverain dans sa psyché en dépit de toutes les programmations de l'environnement. Ça prend une capacité d'être dans un état d'immunité psychique réel par rapport à la crainte virulente qui est véhiculée dans les médias, par exemple à l'égard d'un coronavirus. Donc, autrement dit, il faut être dans un état tel qu'on peut pas être atteindre par la médiocrité véhiculée par certains médias de masse dans le but de nous amener dans un état psychologique de dégradation sur le plan énergétique. Donc, autrement dit, il faut être capable de se préserver dans un état de plénitude bienheureuse en dépit des conditionnements de la société et pour se maintenir dans un état où on prend toute notre place, ben il faut oser être pleinement occupé son espace. Donc, autrement dit, il faut pas céder au chantage, à la manipulation que peut chercher à nous faire, que ce soit la télévision avec les bulletins de nouvelles, on essaie de nous faire sentir coupable si on n'adhère pas au discours narratif officiel. Il faut aller au-delà de toute cette programmation qui cherche à nous amener progressivement à agir en fonction d'un agenda qui se rapporte à des dirigeants qui, dans les coulisses, en dehors des politiciens qui sont la pointe d'iceberg qu'on voit sur nos écrans de télévision, qui représentent le pouvoir, tirent les ficelles des programmations collectives en vue de l'exécution d'agendas particuliers, qui sont pas nécessairement dans l'intérêt de l'épanouissement individuel, mais dans leurs intérêts fondamentaux. Donc, il y a des agendas économiques, on veut nous vendre, par exemple, des vaccins. Il y a des agendas politiques, on veut, par exemple, amener une plus grande ingérence des instances internationales dans les nations par rapport à la façon que les sociétés vont être gérées. Il y a par la suite, c'est sûr, des agendas technologiques, donc intégrer rapidement dans des sociétés des technologies associées à l'informatique qui vont faire en sorte que les êtres humains vont être contrôlés par l'influence dans leur vie de ces appareils informatiques qui vont dicter leur comportement, dans le sens qu'un individu va fonctionner non pas en fonction de lui-même, mais en fonction d'une machine, c'est-à-dire que l'individu va devenir machinal, par exemple, s'il se soumet à une programmation qui vient d'une machine. Donc, si la machine, par exemple, de par un algorithme, lui dit d'acheter tel produit parce qu'il a acheté un produit similaire dans le passé, ben à ce moment-là, il subit une influence qui est sévèrement orchestré pour qu'il consomme de plus en plus le même type de produit. Même chose pour la consommation de vidéos sur Internet. Lorsque vous regardez sur une chaîne ou vous écoutez une vidéo, et là, on vous propose une autre vidéo similaire. Pourquoi? Ben pour avoir du temps d'antenne et de vous exposer à des publicités. Donc, avoir du temps de cervelle. Donc, il y a un agenda comme ça, mais fondamentalement, l'éveil n'a cours que lorsque l'individu est capable de générer en tant qu'être une intensité qui lui permet d'avoir une volonté de se maintenir dans une individualité propre qui va lui permettre de contenir, d'assumer pleinement une situation de marginalité par rapport à un collectif sans être dans un état de soumission interne à un agenda collectif et être confiné psychologiquement par rapport à lui, dans le sens qu'un individu qui est très intense dans son énergie, sa vibration, il ne se sera pas marché sur les pieds, il ne se sera pas influencé par des bulletins de nouvelles qui vont lui dire, par exemple, que c'est terrible, qu'il y a une crise, que des millions de morts pour le décentrer. Donc, autrement dit, il ne sera pas atteignable par rapport à ça. C'est sûr que le système qui cherche à influencer les individus, que ce soit au niveau occulte, que ce soit au niveau économique ou politique, peut, par d'autres moyens, essayer de l'atteindre. Mais l'individu qui s'est trouvé en tant qu'individualité, puis est capable de s'assumer, ben, il va être capable de faire face aux différentes oppositions. D'un côté, on cherche à le conditionner avec la télévision. Donc, si l'entrée de conditionnement dans sa psyché fonctionne pas comme ça, ben, de notre côté, le conditionnement peut chercher à passer à travers des individus interposés qu'il croise dans sa vie de tous les jours, que ce soit des amis, membres de famille, collègues de travail. Mais il faut être capable, l'individu qui vise à vivre une conscience qui est détachée de l'influence des conditionnements collectifs, d'être capable continuellement de mettre ses limites, et ça prend une capacité d'intensité interne suffisamment grande en termes de force de se doter d'une conscience autonome et qui ne cédera pas au chantage, à la manipulation du contexte socio-culturel dans lequel il se trouve. Et c'est sûr que c'est un tour de force naturellement. Et c'est sûr que les crises puis les situations où les gens sont sous hypnose collective en fonction de programmations sociales qui sont récitées depuis plusieurs mois comme des mantras dans la psyché des individus, à l'effet qu'un virus y est dangereux, le virus est dangereux, le virus est dangereux. Si l'individu, par rapport à ça, capte à l'interne de sa conscience qu'il ne se sent pas menacé par le virus, ben, il a à agir en conformité quand même qu'il soit exposé à des milliers d'heures de conditionnement qui ne vont pas dans ce sens-là. Donc, il faut qu'il soit capable de se maintenir dans un état où il n'est pas déstabilisable par l'environnement, en dépit de tout ce qui peut être dit. Et c'est sûr que l'intensité d'être est quelque chose de fondamental, parce que il faut une puissance dans la volonté d'être pour être capable de s'opposer aux besoins, aux volontés adverses qui empêchent l'éclosion de l'être et l'épanouissement de l'être total de l'individu. Donc, c'est sûr que tant qu'on est dans un terrain adverse, ici sur Terre, avec des conditionnements là, produits par les médias, ensuite, il y a des lobbies de pouvoir, que ce soit au niveau pharmaceutique, que ce soit des entreprises également dans les domaines des nouvelles technologies, qui n'ont aucun intérêt financier à ce que l'individu soit pleinement, ben, eux autres vont pas être des soutiens à l'épanouissement individuel parce que ça va pas dans leur sens de leurs intérêts. Et c'est sûr que l'individu qui a à être pleinement n'est pas achetable par l'argent, n'est pas manipulable par la peur, n'est pas quelqu'un qui peut être culpabilisé par des croyances religieuses. Il est capable de se détacher de toutes ces influences-là. Et c'est sûr que, présentement, les gens sont tellement exposés à des influences en lien avec le fameuse crise du coronavirus, que ce qui arrive, c'est qu'il y a peut-être une portion de ces gens-là qui vont développer un ras-le-bol interne et qui vont monter en intensité, ils vont s'éveiller à quelque chose en eux qui n'adhère pas par rapport à ça, comme un poêlon, par exemple, qui est faite d'une substance qui fait en sorte que l'aliment à l'intérieur ne colle pas. Donc, la réalité qu'on cherche à nous vendre, qu'on cherche à nous persuader, ne colle pas au sein de certains individus. Et c'est à partir de ce constat-là que l'individu va être capable de prendre une distanciation psychique par rapport aux instigateurs de concepts de distanciation sociale et de manipulation pour séparer l'individu de ce qui est en relation avec lui, par quoi qui se sent interpellé. Donc, être capable de s'écouter, sans se désobéir, pour être pleinement soi-même en termes d'actualisation, c'est un défi. Lorsque la programmation sociale ne nous supporte pas là-dedans, donc se supporter soi-même psychiquement dans un contexte où l'individu n'est pas supporté par personne, il n'y a pas de gens dans les médias de masse qui vont supporter l'épanouissement individuel, ils vont fonctionner en fonction d'intérêts qui les lient à des collectifs, des lobbyistes, des groupes d'influence, de pouvoir. Donc, c'est à l'individu de générer la communication lui-même de qu'est-ce qu'il veut entendre, de se donner à savoir ce qu'il a besoin de savoir et de s'auto-générer en tant qu'être. Donc, en dépit de tout ce qui peut être lui présenté. Et le test ultime pour voir comment qu'une personne peut être immunisée à la stupidité et à la bêtise humaine, c'est sa capacité d'être exposée à des éléments qui ne font pas sens pour lui sans concéder, sans faire de compromis compromettants par rapport à des éléments qui ne vont pas dans la direction fondamentale qui est en lien avec son être propre, son individualité. Donc, c'est sûr que si, par exemple, on essaie de me convaincre de porter un masque lorsque j'ai des relations sexuelles avec ma compagne, si dans ma sensibilité, si dans mon être, dans sa totalité, je ressens que c'est inintelligent, ben pour moi, c'est inintelligent. Quand même qu'on fasse des campagnes dans le gouvernement ou qu'on me dise c'est important puis de porter le masque, ça sauve des vies, j'adhère pas à la forme. Parce que je m'écoute d'abord. Et c'est sûr que de s'écouter d'abord, on va être pointé du doigt par certaines personnes qui sont des bien-pensants dans la société comme étant des égoïstes. Donc, c'est sûr que ça me ramène au fait qu'à un moment donné, j'ai été interpellé là, par, entre autres, une personne là, sur Internet qui cherchait à me culpabiliser parce que je croyais pas à la pertinence des mesures sanitaires. Donc, je n'adhérais pas à ça. Ben, c'est sûr qu'on peut chercher à manipuler et tout être qui cherche à sortir du troupeau ou de s'en distancer va tôt ou tard risquer d'être interpellé par les responsables du troupeau pour qu'ils regagnent les rangs. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui guette n'importe quel individu, mais c'est sûr que fondamentalement, il faut être capable de s'écouter et de ne pas céder un pas psychiquement par rapport à ça. C'est sûr que la question de la conformité d'apparence, si par exemple je vois un commerce, je vais porter le masque pour, dans le fond, de ne pas mettre en opposition psychiquement par rapport à des individus ou des entités qui gravitent autour d'individus qui pourraient me contester. C'est sûr que dans un sens, il y a des gens qui vont me dire que je suis hypocrite, mais en même temps, c'est une façon de limiter les dépenses énergétiques inutiles. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de le voir, mais fondamentalement, l'histoire du port du masque pour me protéger ou protéger les autres, je n'y crois pas. Et c'est sûr qu'aux gens qui m'écoutent par rapport à cette attitude sceptique que je peux avoir à l'égard de la crise, ben, ce que je leur mentionne, c'est qu'on verra dans le temps avec un recul historique sur l'évaluation du bien fondé par rapport à ça, mais même au-delà du recul historique, vous pouvez évaluer directement maintenant, à partir de votre capacité à faire une lecture vibratoire de qu'est-ce qui est réel, donc si ça l'a à être ou non. Donc, voilà où ce que je veux en venir. Et l'intensité hétérique, c'est quelque chose qui s'acquiert avec la volonté fondamentale d'être et d'agir en conséquence, donc d'être pleinement soi-même. Donc, et être pleinement soi-même, c'est l'un des plus grands défis en période de crise mondiale parce que il y a des contraintes de société, il y a des mesures sanitaires qui ne vont pas nécessairement dans ce sens-là. Et c'est sûr que l'individu ne sera pas nécessairement supporté par les gens de son environnement, comme mentionné précédemment. Donc, c'est le test ultime pour voir à quel point l'individu se supporte lui-même dans sa conscience sans le soutien des gens qui se rapportent à son environnement. Donc, l'intensité hétérique et dans l'affirmation de l'être de l'individu en tant qu'identité qui se rapporte à une compréhension multidimensionnelle de son être, qui part de là l'identification à une personne sur le plan physique et biologique. Dans mon cas, en tant qu'être, pour moi, le corps qui se rapporte à ma personne est une infime partie minuscule de tout ce que je suis, qui est part de là. La dimension physique et ma compréhension de moi-même est multidimensionnelle, à la différence de quelqu'un qui se représente strictement comme un animal sur le plan biologique qui a été civilisé par une culture, une société. Donc, c'est sûr que je me représente pas comme étant un chien savant. Non. Non, non. Je me représente plutôt comme étant une lumière pensante qui est capable de manifester de par la conscience qui m'habite et qui constitue la réalité dans laquelle je me trouve. Eh bien, je me vois comme un être relié à la totalité de ce qui existe, car entre ma conscience et tout le réel qui existe, il y a seulement une chose. Et mon objectif en tant qu'individu, c'est de tirer profit de cette compréhension. Et c'est sûr que si l'individu matérialiste qui se conçoit et se représente comme étant un être strictement sur le plan physique et biologique, ça y appartient. Bon, c'est ses choses, c'est ses affaires. Moi, je m'occupe des miennes. et dans les miennes, eh bien, je me reconnais la capacité psychique, en réalité, d'être en contact avec toute l'intelligence cosmique qui existe dans l'univers, parce que je ne suis séparé de rien. Donc, autrement dit, en termes d'usage de ma volonté, je vise à l'utiliser puissamment pour me donner accès à toute l'information que j'ai besoin dans l'immédiateté du moment présent pour être capable de jouir totalement de ma vie planétaire. Parce que pour moi, c'est pas normal de me sentir comme quelqu'un pris au piège, emprisonné par une société confinée dans des croyances limitatives à l'égard de sa condition humaine. Et d'un virus également. Parce que, en réalité, l'individu qui accepte sa totalité et de vivre en fonction de tout son être ne peut pas se laisser relativiser par les autres, par une civilisation qui se dirige vers son déclin en un sens, dans le sens que si les gens continuent, c'est sûr, à aller dans le sens d'un confinement, les politiciens vont dans le sens aussi, pour mettre en place les mesures qui favorisent ça, il y a un déclin économique qui se produit, il y a des fermetures d'entreprises. Donc, c'est sûr que les gens ont évalué si on a résisté ou non aux mesures qui sont présentées, ça leur appartient. Mais c'est sûr qu'ils peuvent évaluer aussi comment tirer profit de la situation, non pas pour dominer les autres, mais être capable en tant qu'être de tirer son épingle du jeu pour ne pas souffrir de la bêtise humaine qui peut émerger en relation avec la crise actuelle. Donc, autrement dit, tirer son épingle du jeu non pas à des fins d'exercer un rapport dominant-dominé, mais plutôt être capable de se définir par rapport à la crise sans en être éventuellement une victime collatérale. Donc, autrement dit, l'une des façons de ne pas être victime de la crise, c'est ne pas laisser cette dernière nous déstabiliser fondamentalement, de ne pas sombrer dans la peur, l'angoisse, l'anxiété, et oser être pleinement, peu importe ce qui arrive, peu importe le nombre de fermetures d'entreprise, et être intransigeant sur le plan psychique par rapport à la médiocrité qu'on cherche à nous faire adhérer via différents contenus télévisés qui sont diffusés présentement. Donc, être capable de dire non par rapport à l'adhésion, à la croyance, à la persuasion, à l'hypnose de masse, et décider plutôt d'instaurer par soi-même ce qu'on veut dans notre existence et d'agir en conséquence. Donc, autrement dit, de permettre au déploiement de notre être de prendre sa place dans notre vie plutôt que ça soit une programmation culturelle infeste qui prenne la place au détriment pour nous enculturer dans des comportements qui vont à l'encontre de l'expression de notre être. Donc, c'est sûr que si, par exemple, on cherche à nous vendre l'idée qu'il ne faut pas se prendre dans les bras, alors que je peux avoir l'inclinaison interne d'agir autrement, bien, à ce moment-là, j'ai à me définir individuellement à travers l'action, à travers ce que je peux manifester, puis à travers ce que j'évalue comme étant ce qui est le plus intelligent à faire, compte tenu aussi de ma sensibilité. Et c'est sûr que si je regarde la situation présente, pour moi, nous sommes en train, en fait, je dirais pas nous, parce que je veux pas participer à cet agenda qui est absurde, de dénaturer une partie de l'humanité dans des comportements qui ne sont pas à son avantage. Si on prend par exemple les jeunes qu'on leur force à porter le masque en classe, c'est pas nécessairement à leur avantage d'empêcher les gens de se rencontrer. Ben, c'est pas nécessairement à leur avantage en termes d'équilibre psychologique. Ça, c'est par rapport au collectif. Mais c'est sûr que fondamentalement, j'ai à m'occuper de moi-même pour composer intelligemment avec un environnement où les gens sont chevauchés par des croyances qui abaissent le taux d'énergie, abaissent la vitalité. Je fais mes observations. Si les gens ne sont pas d'accord avec mes observations, c'est leur affaire. Mais moi, j'ai à me maintenir par rapport à la réalité que je perçois et d'agir en conséquence, car c'est ce qui me permet, en tant qu'être, de manifester. Donc, être pleinement, c'est agir en son sens, en dépit de tout ce qui peut être dit dans le monde, et de persévérer dans l'adversité. Et c'est ça qui renforce la volonté, et c'est ça qui nous permet de monter en intensité, parce que quelqu'un qui est faiblement, on va lui dire de rentrer dans les rangs, puis de croire que le virus est méchant, puis qu'il est menacé, puis il va vibrer à la peur, il va acheter cet agenda-là. Donc, quelqu'un qui est tiède dans l'être va se faire récupérer par le système. Quelqu'un qui est un peu plus intense, ben, il y a des gens qui vont essayer de le convaincre, de le persuader qu'il faut qu'il ait peur, puis il peut refuser d'avoir peur. Et plutôt s'installer dans le bonheur, dans la joie de vivre, en dépit de tout ça, avec une volonté ferme, de pas se laisser décentrer par des êtres qui sont décentrés et qui cherchent à décentrer les autres pour les niveler vers le bas. C'est comme s'il y a des gens qui sont en train de sombrer avec un bateau, imaginons un immense Titanic, et ce qu'ils vont faire, c'est, n'étant pas contents de sombrer tout seul, ils vont vouloir amener les autres dans leur déchéance, alors que c'est tout à fait inintelligent. Donc, il faut, c'est sûr, observer qu'est-ce qui se passe par rapport à la civilisation, mais ne pas donner le pouvoir à la civilisation ou à la société de nous amener dans un état de déclin psychique, et ça, peu importe qu'est-ce qui arrive. Donc, d'être détaché par rapport à tout ça. Et pour ça, ben, il faut oser être. Il faut avoir l'audace de à quelque part, d'être marginal, parce que quelqu'un qui est dans sa singularité est différent des autres. Donc, par conséquent, il est marginal. Donc, il faut assumer cette condition. Et c'est sûr que c'est pas évident, mais c'est vital pour la survie de l'intégrité psychique de l'individu et qu'il y ait une conscience intacte, que son être soit un bloc monolithique, qu'il soit pas fragmenté, fracturé par l'érosion des vagues de la déchéance de la civilisation qui est en train de sombrer. Donc, voilà l'essence de mon propos. Il faut s'occuper bien de soi-même. Et c'est sûr que c'est un défi. En fait, c'est plus qu'un défi, c'est une nécessité être pour se maintenir dans l'intensité nécessaire pour être capable de rester dans un état de vitalité avec une énergie qui est forte, une vibration qui nous permet de connaître un jaillissement de nous-mêmes qui nous donne accès à une réalité de nous qui est par-delà l'ego qui peut avoir peur, qui est par-delà l'ego qui peut réfléchir à sa condition planétaire en fonction de schèmes de pensée limitatifs qui lui ont été implantés dans sa psyché. Non, il faut oser rayonner son énergie être comme un soleil sur l'environnement, en dépit de tous les nuages et tous les soubresauts auxquels on peut être confronté. Donc, c'est sûr que l'un des moyens de le faire, ben, c'est d'installer l'être, et ça passe par l'affirmation de l'être qui peut nous amener à dire, avec un verbe qui est étrique, donc la parole, le parle-être, donc on peut commander à ce que la beauté soit dans notre vie, l'intelligence, donc commander un déploiement de notre énergie dans notre vie, de sorte de se maintenir dans un état de stabilité énergétique, de centricité individuelle perpétuelle. Donc, il y a des gens qui, dans le domaine de la science, cherchent à générer un mouvement perpétuel, et ma volonté est d'entretenir et de générer mon être à perpétuité, parce que c'est ce qui me permet, à ce moment-là, de me maintenir dans le moment présent et de ne pas sombrer dans une fragmentation de mon être qui pourrait m'amener à réfléchir au passé avec de la nostalgie ou à avoir de l'espoir par rapport à l'avenir. Je n'espère rien de notre civilisation qui est présentement dans un état de décadence, de déchéance en lien avec la crise du coronavirus où les droits et libertés des individus sont brimés. Parce que la société fonctionne en fonction de décrets au nom de la crise sanitaire. Et l'individu qui est conscient peut décréter dans sa vie que le bonheur s'installe et se maintient ici et maintenant. Il peut décréter son droit à être bien dans sa peau. Il peut décréter son droit à rencontrer des gens. Donc, c'est un droit totalement arbitraire, mais c'est quelque chose qui peut être manifesté lorsque l'individu s'inscrit sous le sigle de la loi d'exception, la loi qu'il génère de par son individualité qui l'amène à se détacher, à se distancer des programmations sociales et culturelles, donc ce qu'on appelle de la loi générale. Donc, l'individu a à être exceptionnel pour lui-même, pour connaître son plein déploiement éthique, au lieu d'être soumis à une société qui est victime des soubresauts des dirigeants et des puissants et des lobbyistes qui cherchent à l'orienter vers un agenda à leur avantage et qui n'est pas naturellement à l'avantage des masses. Donc, c'est sûr que l'individu a agi en fonction de son avantage propre, en dépit de tout ce qui lui est présenté. On peut chercher à lui faire croire qu'on se soucie de lui, mais en réalité, il doit savoir qu'est-ce qu'il en est réellement, et pour accéder à ce savoir-là, ça nécessite qu'il ait la sensibilité d'avoir une captation intrinsèque qui lui permet de capter spontanément et dans l'immédiateté qu'est-ce qui se passe réellement par rapport à quelque chose, donc il a accès à un savoir absolu, un savoir fondamental par rapport à la nature réelle, une capacité de perception extrasensorielle des gens, qui lui permet de capter à partir d'un clair-voir, c'est-à-dire un voir éthrique, par rapport à leur intention réelle à son égard. Donc, il est capable de capter les gens au-delà de qu'est-ce qu'ils peuvent dire pour capter la vibration qui les sous-tend et qui anime leurs actions. Donc, capter leur essence qui sous-tend leur agir à son égard. Et l'individu qui a une conscience qui est au niveau de l'être, donc par-delà des sens biologiques, bien, il est capable d'utiliser l'énergie de son être pour agir sur la réalité parce que, à quelque part, il est séparé de rien. Et, à quelque part, un individu est lié psychiquement à d'autres et peut les influencer comme il peut se faire influencer par eux. Ça va dans les deux sens. Présentement, les politiciens, les gens du complexe pharmaceutique influencent les masses qui vont agir en fonction de mesures qui leur sont prescrites. Et dans certains cas, il y a des gens qui vont avoir vraiment peur du virus là, en lien avec les mesures qu'on leur dit de faire. Donc, ces gens-là sont sous influence importante. Mais il faut se détacher des influences qui sont pernicieuses, qui nous abaissent sur le plan énergétique, qui nous dégradent. D'où le fait qu'il faut choisir d'abord. Et c'est sûr que c'est à travers ce choix de soi, d'ailleurs ça a été déjà formulé, le seul choix qui ne nous dégrade pas, ne nous divise pas, c'est le choix de soi comme absolu. Donc, il faut être capable de choisir absolument, en dépit de tout ce qui se passe, et s'occuper de faire ce qui nous permet de jouer pleinement de la vie, de savourer l'existence avec intelligence. Donc, d'être capable de définir pour soi qu'est-ce qui est bien. Donc, si on prend, par exemple, par rapport à la sexualité, donc, c'est sûr que si la personne a une conception de l'activité sexuelle comme étant une espèce de mal nécessaire en vue de la procréation de l'espèce et de faire des devoirs conjugaux, ce qui crée une lourdeur énergétique, eh bien, la personne n'a pas une conception érotico-ludique de l'activité sexuelle comme étant une source de plaisir, une source de jeu, une source de stimulation pour l'amener à connaître un vécu qui agrémente son état d'être. Donc, c'est sûr qu'il y a une très grande distinction entre, par exemple, quelqu'un qui a une activité sexuelle en relation avec un conditionnement socio-culturel judéo-chrétien qui l'amène à concevoir la sexualité comme étant une activité pécheresse ou un mal nécessaire en vue de la reproduction biologique, versus quelqu'un qui perçoit l'activité sexuelle comme étant une opportunité de communion étrique avec une autre personne, pouvant donner place à un échange d'énergie permettant une consolidation de l'être. C'est très différent comme conception, par exemple, de l'activité sexuelle. Et c'est sûr que ce qui permet d'intégrer et d'être quelqu'un qui est enraciné dans la réalité sur le plan physique, tout en ayant accès à une compréhension cosmique de la réalité, c'est entre autres sa capacité de jouir de la matière. Et ça peut impliquer naturellement de jouir agréablement de la sexualité sans se sentir coupable, sans chercher aussi à quelque part vivre en fonction du flic dans la tête. D'ailleurs, la morale qui va se noyauter dans la psyché des individus va prendre un pas plus grand lorsque la personne va porter le masque et avoir un esprit de confirmation par rapport au masque, dans le sens que le masque qui est porté à la figure représente une extension, dans certains cas, de la morale qui a déjà envahi la psyché de l'individu. Donc, le conditionnement social. Donc, c'est sûr que, dans mon cas, je suis honnête avec vous, pour des raisons d'économie d'énergie, d'efficacité, dans certains cas, je vais porter le masque par rapport à aller dans des commerces, mais en réalité, je n'adhère pas à ça. Et c'est sûr que si on me donne l'opportunité d'aller à des commerces pour aller faire mon épicerie, pour aller à la pharmacie où ce que le masque n'est pas obligatoire, je vais y aller. Donc, autrement dit, ça va se traduire à travers mes actions parce que j'ai la conviction, j'ai la certitude que le masque ne peut pas nous protéger contre la folie humaine. Même chose par rapport aux mesures de confinement, même chose par rapport aux mesures de sanitaires, et que le désir de contrôle d'une certaine élite de la population en mettant en place ces mesures-là, à quelque part, est vain, parce que l'individu qui cherche à contrôler les autres n'est pas occupé à être pleinement lui-même. Donc, autrement dit, il va faire ingérence dans la réalité des autres, parce que, quelque part, il cherche à définir à travers ça. Donc, quelqu'un qui n'est pas pleinement lui-même peut chercher à parasiter l'énergie des autres en les contrôlant. Parce que quelqu'un qui est bien dans sa peau ne cherchera pas à dominer les autres. S'il cherche à dominer les autres, parce qu'il lui manque quelque chose. Donc, s'il veut vampiriser les énergies vitales d'autres individus en les faisant peur pour les manipuler, pour les dominer, pour leur siphonner leurs revenus financiers ou les amener à la faillite, ben, c'est parce que quelque part, un être qui fait ça, en fait, on peut même pas parler d'individu qui est être, dans le sens que cet individu-là n'a pas connu l'éveil, il n'est pas conscient. Quelqu'un qui est totalement conscient ne peut pas parasiter les énergies des autres parce que à la place, il va être occupé à être pleinement lui-même et à jouer consciemment de la vie de tous les jours, être capable d'apprécier un repas, avec de la fine cuisine, il va être capable d'apprécier l'activité sexuelle. Il n'aura pas de soif de contrôle et de pouvoir. D'ailleurs, la soif de contrôle et de pouvoir est en relation avec un état d'impuissance psychologique au sein de l'individu. Parce que c'est quelqu'un qui cherche à compenser le manque d'être en se définissant à travers une capacité d'exercer une influence sur autrui, alors que l'individu qui se sait être pleinement et qui est capable de jouir de la densité énergétique de son noyau étrique, il n'y a pas besoin à ce moment-là de parasiter les énergies des autres ou de les influencer ou de les manipuler ou de chercher à se définir à travers un rôle de contrôle pour créer une situation dominant-dominée. Parce que, à quelque part, quelqu'un qui est pleinement n'a pas d'appétit de pouvoir. Et avoir un appétit de pouvoir, c'est en relation avec une impuissance. Parce que si une personne cherche le pouvoir, c'est parce qu'à quelque part, il lui manque quelque chose. Alors que l'individu est pleinement en pouvoir, il ne cherche pas le pouvoir, il est le pouvoir. Quelqu'un qui est pleinement, il ne cherche pas à être, parce que être fait partie de sa nature. Il peut l'exprimer naturellement, parce que ça peut être un plaisir de vie, de communiquer l'énergie éthérique de toute l'intensité qu'on peut avoir. Par contre, il ne cherchera pas à faire des exercices en vue d'être, ou faire des activités de méditation, de jeûne, de prière, non. Parce que il va se donner l'autorité d'être pleinement. Puis l'autorité pour être sur le plan individuel ne viendra pas des gouvernements, vous ne deviendra pas des autorités sanitaires ou des papes de la religion. Non, l'autorité ne peut que venir que de vous-même. Lorsque vous allez avoir un ras-le-bol de toutes les contraintes, de toutes les mesures stupides, les mesures imbéciles pour vous limiter, pour vous castrer psychiquement ou socialement, à travers la soumission à des règles, bien à ce moment-là, vous pourrez, dans certains cas, si le mouvement se fait, le taux de mouvement de l'être se fait en vous, monter en intensité éthérique pour dire « ça suffit, je ne me considère plus comme étant un individu qui appartient fondamentalement à un pays. » Autrement dit, la personne qui vous parle est grâce, et ça, ça a été utile, la crise du coronavirus. Donc, autrefois, je vais être honnête avec vous, j'avais tendance à me définir comme étant Québécois et être fier d'être Québécois. Mais lorsque je réalise qu'est-ce qui se passe au Québec, au Canada, puis dans d'autres pays, eh bien, à ce moment-là, je m'identifie plus au Québec, je m'identifie pas du tout au gouvernement qui fonctionne présentement par décret. Ça m'a aidé à faire une distanciation par rapport à mon identification au contexte dans lequel j'ai émergé, donc la société québécoise, les pays occidentaux qui sont tous soumis au dictat des mesures sanitaires, pour moi, ça n'a aucun rapport avec mon identité fondamentale. Et c'est tout simplement un contexte dans lequel je m'inscris qui est accessoire à mon être. Donc, pour moi, bon, j'observe qu'est-ce qui se passe ici au Québec où je me situe sur le plan biologique. Mais fondamentalement, si vous me posez la question, est-ce que le fait de te définir comme Québécois est fondamental chez toi? Aujourd'hui, non, pas du tout. Même chose par rapport à l'identité de Canadien. Même chose pour l'identité de Nord-Américain, pas du tout. Donc, ma volonté présentement, c'est de me définir fondamentalement comme être de toute mon intensité. Et c'est sûr que pour être honnête avec vous, avant que j'entreprenne un processus d'individuation, il y a quelques années. Oui, j'avais tendance à me définir comme un Québécois, puis à être fier d'être Québécois. Mais aujourd'hui, j'ai plus ça. Parce que je cherche plus à me définir à travers le collectif, puis quand que je regarde que finalement, le gouvernement du Québec, comme d'autres gouvernements, marche main dans la main en fonction d'un agenda mondialiste, bien, les illusions que j'avais à l'égard par rapport au peuple québécois ou au gouvernement du Québec sont en train de tomber. Donc, de voir les mesures de dictature sanitaire s'installer de plus en plus, s'inscrire longuement dans le temps, m'amène à prendre une distanciation importante par rapport au collectif et une redéfinition identitaire. Donc, à ce moment-là, je n'attends pas le salut du vaccin, je n'attends pas le salut du gouvernement. Donc, je me donne à vivre ce que j'ai besoin dans le ici et maintenant. Donc, c'est sûr que plus j'avance, et plus, à quelque part, j'ai à me réaliser individuellement, en dépit de qu'est-ce qui se passe dans le collectif. Et c'est sûr que les illusions que j'avais, par exemple, d'adhérer à un parti politique qui s'opposerait à celui actuel qui favorise les mesures, bien, même par rapport à ça, je me distancie. Donc, parce que, à quelque part, ça serait de remettre mon salut entre les mains d'un collectif, alors que j'ai à prendre ma vie en main, vivre en fonction d'un état d'individualité qui est total, et fonctionner à partir d'une densité énergétique, quand même que les gens disent que c'est ridicule de vouloir installer l'énergie de l'être dans ma vie, d'être capable de manifester, d'utiliser des intentions de conscience, ben, si ça me fait du bien, ça me fait du bien, c'est un constat. Ça fait plus du bien que ça que d'écouter une programmation sociale de bulletin de nouvelles où on cherche à m'amener à me faire sentir coupable ou stupide ou à vibrer à la peur. Pour moi, c'est plus nourricier. Donc, autrement dit, j'ai une méfiance par rapport aux conditionnements sociaux et c'est la raison pour laquelle j'ai l'audace d'agir autrement. Et cette audace-là se traduit, entre autres, par rapport au fait que je prends la parole maintenant pour m'exprimer à travers cet enregistrement. Donc, ça fait partie de la manifestation de mon être. Et c'est sûr que si je me permets de manifester à ce niveau-là à travers la parole, ben, il y a peut-être des gens qui m'écoutent qui ont le goût d'en faire autant. L'énergie de l'être, qui représente la globalité de l'individu, va agir en fonction d'affinité, en ce sens que l'énergie de l'être va chercher à manifester la beauté, manifester l'intelligence, manifester quelque chose qui est en relation avec le respect de l'individualité, parce qu'un être par rapport à un autre va le respecter dans son individualité. Parce que, à quelque part, pour respecter totalement l'individualité d'un être et de quelqu'un qui s'individualise, ben, il faut être soi-même individualisé parce que le semblable ne peut être connu que par le semblable, comme l'a été déjà affirmé. Donc, autrement dit, c'est en étant pleinement soi-même qu'on peut permettre également à d'autres personnes d'être aussi et de se laisser être. Donc, c'est sûr que de regarder que la société cherche à étouffer, par exemple, des jeunes enfants en leur faisant porter un masque, en leur demandant d'être à 2 mètres des autres et suivre des mesures qui font penser à un camp de prisonniers, à vivre dans la peur, la crainte, de la menace du virus. Ben, ça se peut qu'il y ait un pourcentage de ces enfants-là qui, un jour, vivent un état de ras-le-bol, s'allument intérieurement et manifestent l'intensité étrique pour venir à un niveau d'individuation beaucoup plus grand que s'il aurait vécu dans une société pré-crise de coronavirus avec une abondance de biens matériels, une société de consommation. Donc, dans certains cas, les contraintes sociales vont amener les gens à se décloisonner psychiquement en contrepartie et à oser être pleinement soi-même. Autrement dit, il va y avoir des vocations possibles à l'être à travers l'adversité auxquelles les gens seront exposés parce que, à quelque part, dans certains cas, ça peut les amener à se redéfinir autrement. C'est-à-dire que lorsque l'individu perd confiance dans les médias de masse, lorsqu'il perd confiance dans les autorités gouvernementales pour s'occuper de gérer l'endroit où il se trouve, qui perd confiance dans les autorités sanitaires, qui perd confiance même dans certains cas par rapport à certains médias alternatifs, ben, c'est à ce moment-là que l'individu a à se rencontrer et se faire lui-même confiance. À force d'être exposé à des instances qui l'ont trahi, des instances qui lui ont menti, qui l'ont désinformé, qui ont cherché à l'aliéner, à le réduire à un être qui serait éventuellement micro-pucé et surveillable à distance via satellite, parce qu'une partie, c'est sûr, de l'agenda d'une élite, c'est un contrôle mondial basé sur une dictature techno-sanitaire, donc avec l'usage des technologies qui se développent présentement, et au nom, entre autres, de mesures sanitaires. Donc, l'agenda, une fois que l'individu le regarde, ben, il colle plus à ça. Parce que, à quelque part, il réalise que il a à s'occuper lui-même fondamentalement, il ne doit pas laisser le soin aux autres de le faire à sa place, parce que, à quelque part, il y a un adage qui le dit, et c'est très simple, l'individu ne peut être que bien servi que par lui-même. Donc, c'est la raison pour laquelle il a à être lui-même le soleil de sa réalité, et, bien entendu, laisser les autres être pleinement, puis s'ils veulent pas être individuellement, ben, à ce moment-là, prendre une distanciation, puis agir pour pas se laisser marcher sur les pieds. Donc, agir de sorte à faire respecter son être, donc en dépit de tout ce qui peut arriver. Donc, voilà cet enregistrement qui portait sur l'intensité d'être. Eh bien, si vous avez apprécié, si ça vous a allumé, si ça vous a stimulé, si ça vous a amené dans un état différent dans lequel vous vous étiez avant de l'écouter, eh bien, vous êtes les bienvenus pour m'acheminer maintenant une contribution financière par le service de paiement sécurisé PayPal ou également celui d'Interact. Vous allez retrouver les informations par rapport à ça en bas de l'enregistrement. Et si vous voulez m'apporter un soutien à mon être, qui peut passer par l'aspect financier, mais il y a différentes formes de soutien, ça peut être au niveau énergétique, parce que, à quelque part, vous allez dans le sens du mouvement de parole qui est proposé, bien, à ce moment-là, si vous voulez m'apporter un soutien financier, vous êtes les bienvenus. Et si vous vibrez à l'unisson avec mes propos, vous êtes également les bienvenus. Donc, je vous salue de tout mon être et vous dis à bientôt. Au revoir.